السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فنحمد الله عز وجل على هذا الاجتماع ونسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في هذه الدنيا في بيت من بيوته على ذكره وطاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الذاكرين نبينا محمد إنه ولي ذلك وهو القادر عليه أما بعد Après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir rassemblés dans une mosquée pour écouter son rappel et pour étudier et s'instruire dans sa religion, nous allons traiter un sujet qui a une très grande importance. موضوعنا هو العقيدة الصحيحة وما يضادها. Et le titre ou le sujet que nous allons étudier est la croyance correcte et ce qui s'y oppose. Et nous allons nous baser sur une risala que vous voyez. C'est un épître qui a été écrit par le Cheikh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, rahimahullah ta'ala. Et dedans, le Cheikh, rahimahullah, il nous parle de la croyance. هذه الرسالة يتكلم فيها الشيخ رحمه الله عن العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعتقدوها. فلماذا قال العقيدة الصحيحة وما يضادها؟ Pourquoi le Cheikh a-t-il dit la croyance correcte et ce qui s'y oppose؟ فأول شيء ما هي العقيدة؟ Première chose, qu'est-ce que veut dire al-aqida? Dans la langue arabe, ce mot vient du mot aqada, al-aqd, wa huwa al-rabt. Asl hadhih al-kalima, la base de ce mot-là dans la langue arabe, ça vient du mot aqada, qui veut dire attaché ou noué. Wal-aqida hiya ma yajibu ala al-muslim an yu'mina bihi. من أركان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأمور الجنة والنار والغيبيات. هذه تسمى عقيدة. لماذا؟ لأن العقد، لأن القلب عقد عليها. فالعقد أو القلب عفوا يؤمن بها ويصدقها ولا يبتعد عنها أبدا. Pourquoi cela et cette science a été appelée al-aqida? Parce que dans la langue arabe, comme on vient de le voir, al-aqda, ça veut dire le fait d'attacher et de faire un nœud. Et la croyance, c'est le fait de croire premièrement aux six piliers de la foi. Croire en Allah, en ses anges, en ses messagers, en ses livres, au jour de la résurrection, ou au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et ça a été appelé aqida dans la langue arabe pour dire que le cœur est attaché à cette chose-là. Et il ne s'en détachera jamais. De tout ce qui est en relation avec les six piliers de la foi, et aussi la description du paradis, de l'enfer, ce qui aura lieu le jour du jugement dernier, etc. لماذا قال العقيدة الصحيحة؟ لأن هناك عقيدة غير صحيحة. Il nous dit la croyance correcte parce qu'il y a une croyance qui n'est pas correcte. ولذلك قال الله عز وجل لكم دينكم ولي دين. عندنا عقيدتنا وأنتم عندكم عقيدتكم وعقيدتنا تخالف عقيدتكم. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire au kuffar, nous avons notre religion et vous avez la vôtre. Nous avons notre croyance et vous avez la vôtre. Et notre croyance est différente de la vôtre. فعقيدت الصحيحة هي عقيدة المسلم وعقيدة المؤمن. La croyance correcte, c'est la croyance du musulman. La croyance de celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال وما يضادها فما الذي يضادها أي يخالفها هي العقيدة الغير صحيحة هي العقيدة الفاسدة. Puis il nous dit la croyance correcte et ce qui s'y oppose, parce que ceux qui s'opposent à la croyance correcte, c'est la fausse croyance ou la croyance mauvaise ou la croyance falsifiée ou la croyance déformée. والمسلم ينبغي أن يتعلم الخير ليعمل به والشر ليحذره. لذلك قال حذيفة بن اليمن رحمه الله وهذا في صحيح البخاري قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير, كانوا يقولون يا رسول الله كيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نؤدي الحج. وقال حذيفة وكنت يعني أنا أسأله عن الشر, أي كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفصل له الشر وأن يوضح له الشر. لماذا؟ قال مخافة أن يدركني, أخاف أن يصيبني الشر, فكيف أفعل؟ أتعلمه حتى أجتنبه. سولاك حذيفة رحمه رضي الله عنه دي les gens interrogeaient le prophète صلى الله عليه وسلم sur le bien. Ô messager d'Allah, comment accomplir la prière? Comment payer l'aumône? Comment faire le hajj? Comment apprendre notre religion? Comment la mettre en pratique? Et puis il nous dit, et moi je l'interrogeais sur le mal. Il demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment la personne s'égare, comment la personne tombe dans les péchés. Et c'est pour cela que Hudhayfa radiyallahu anhu est le compagnon qui a rapporté le plus de hadiths qui nous parlent des fitanes, qui nous parlent des maux et du mal. Et il dit, j'ai interrogé le messager sallallahu alayhi wa sallam sur le mal pour l'éviter, par peur que le mal ne m'atteigne. Donc le musulman doit apprendre la croyance correcte et aussi il doit apprendre ce qui s'y oppose. وَالْعَقِيدَ أَعْظَمُ عِلْمٍ وَأَكْبَرُ عِلْمٍ لأن بها يكون العمل مقبولا وبغيرها يكون العمل مردودا. ولذلك قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه الذي يريد أن يلقى الله عز وجل وهو راض عنه ماذا عليه أن يفعل؟ فليعمل عملا صالحا. والعمل الصالح هو العمل الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكيف لا يشرك إذا تعلم العقيدة الصحيحة؟ الله عز وجل nous dit celui qui espère en la rencontre de son Seigneur, qui veut qu'Allah l'accepte, qui veut qu'Allah lui pardonne, alors qu'il fasse une bonne action. Et la bonne action, c'est celle qui est faite comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans l'adoration. Comment va-t-il faire pour ne rien associer? Il va étudier sa croyance. العقيدة الصحيحة. فنحن نقرأ ما كتبه الشيخ رحمه الله تعالى. قال بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام وأساس الملة, رأيت أن تكون في موضوعي هي موضوع المحاضرة ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن الأعمال والأقوال إنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة فإن كانت العقيدة غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال كما قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. La première chose que le Cheikh nous dit ici, il nous dit que nous savons à travers les textes du Coran et de la Sunna que l'a'mal wa l'aqwal, as-salawat mathalan, min al-a'mal wa min al-aqwal qira'atul Coran, les actions et les paroles ne sont acceptées que si la personne qui les fait a une croyance correcte. فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال والأقوال إلا الأعمال التي صاحبها سليم العقيدة فمن كان غير سليم العقيدة مهما فعل من الأعمال لا يقبله الله عز وجل. Il nous explique que celui qui a une bonne croyance, Allah va lui accepter ses actions. Et par conséquent, celui qui a une mauvaise croyance, Allah ne lui acceptera pas ses actions. C'est pour cela qu'Allah dit dans le verset وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ مَنْ كَانَتْ عَقِيدَتُهُ غَيْرَ صَحِيحَةٍ سَلِيمَةٍ حَبِطَ عَمَلُهُ لَا يَقْبَلُهُ اللَّهِ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui mécroit en la foi, celui qui a une foi non correcte ou qui est contraire à la foi obligatoire, ses actes seront annulés. Et dans l'au-delà, il sera parmi les perdants. وقال تعالى ولقد أوحي إليك يا رسول الله وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الله عز وجل a dit dans le deuxième verset en parlant à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certes il t'a été révélé, c'est-à-dire au messager d'Allah, Allah t'a révélé à toi et ceux qui t'ont précédé, les prophètes qui sont venus avant toi, la in ashrakta idha amilta shirk wa ashrakta billah azza wa jal la yahbatanna amaluk, si tu associes à Allah tes actes seront vains ou ne seront pas acceptés, wa la takunanna min al khasirin, et tu feras partie des perdants, bal illaha fa'bud, mais adore plutôt Allah wa kum min al shakirin, et sois parmi les reconnaissants. والآيات في هذا المعنى كثيرة. Et les versets qui nous parlent de ce principe, ils sont très nombreux dans le Coran. وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم على أن العقيدة الصحيحة تتخلص في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. Ensuite il nous dit, après avoir étudié le Coran et la Sunna, on a vu de façon claire que la foi correcte et la croyance correcte se rassemblent dans les six piliers de la foi qui sont la croyance en Allah, en les anges, aux livres, aux prophètes, au jour de la résurrection et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. فهذه الأمور الستة هي أصول العقيدة الصحيحة التي نزل بها كتاب الله العزيز وبعث الله بها رسوله محمدا عليه الصلاة والسلام ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور الغيب. Ensuite il nous dit que les six piliers de la foi que nous venons de citer sont les bases de la croyance correcte, sont les bases de la croyance correcte avec laquelle est descendu le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et avec laquelle Allah a envoyé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de ces six piliers et de ces bases de la foi, toutes les autres croyances, comme la croyance aux choses de l'invisible, elles sont basées sur ces six piliers. وجميع ما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وأدلة هذه الأصول الستة في الكتاب والسنة كثيرة جدا. لأن المسلم يعتقد ما عليه دليل. فلا لا يتكلم المسلم في دين الله عز وجل إلا إذا كان له دليل، والدليل هو نص من كتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت كيف عرفت أن أصول الإيمان ستة بالقرآن والسنة؟ Il nous dit que il y a des preuves montrant les six piliers de la foi dans le livre d'Allah Azza wa Jal et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que ces preuves sont nombreuses. Et le musulman doit adorer Allah avec preuve et doit connaître sa religion. Lorsqu'il croit en une chose qu'il ne voit pas, il doit avoir une preuve en cette chose. C'est pour cela que le shirk va nous amener ou va nous citer des preuves dans le Coran. فمن ذلك قول الله سبحانه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه أركان خمس. Il nous dit qu'Allah عز وجل a dit dans le Coran, ne fait pas partie de la bonté que vous tournez vos visages vers l'est ou l'ouest, mais la bonté consiste à ce que vous croyez en Allah, au jour de la résurrection, aux anges, aux livres et aux messagers. Cinq piliers des six piliers de la foi. وقوله سبحانه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله عز وجل دين. Le messager, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cru en ce qui lui a été descendu, la révélation, venant de son Seigneur. Et les croyants également ont cru en la révélation d'Allah. Ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes. Et ils ont dit, nous ne faisons aucune distinction ou nous ne différencions en aucun cas un messager d'un autre. وقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. الله نجيب أو vous qui avez cru, croyez en Allah et en son messager, croyez également au livre qui a été révélé à son messager et aux livres qui ont été révélés avant lui. والكتاب الذي انزل من قبل التوراة الانجيل الزبور صحف ابراهيم وموسى. La Torah, l'évangile, les feuilles qu'a reçu Daoud et Ibrahim et Moussa alayhim salatu wassalam. Ensuite Allah nous dit, et celui qui mécroit en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, ce sera certes égaré d'un égarement très loin. وقوله سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. Allah عز وجل nous dit, ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans les cieux et sur terre? Certes, cela est inscrit dans un livre. Et certes, cela est très facile pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Amma al-ahadith sahihatu dallatu ala hadhihi al-usul fa kathiratun jiddan. Quant aux hadiths qui nous prouvent les six piliers de la foi, ils sont très nombreux. Fa minha al-hadith sahih al-mashhur alladhi rawahu Muslim fi sahihih min hadith Amir al-Mu'minin عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال له الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. Puis il nous dit le hadith qui nous montre ou qui est la preuve que l'on doit croire au six piliers de la foi, c'est le hadith que l'imam Muslim nous a rapporté selon Omar ibn al-Khattab. Lorsque Jibril est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit Ya Muhammad, mal iman. Ô Muhammad, définis-moi la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, la foi consiste à ce que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. والحديث أخرجه الشيخان أي بخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. Et ce hadith a été rapporté également par le Bukhari et Muslim selon Abu Huraira. وهذه الأصول الستة يتفرع عنها جميع ما يجب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه وفي أمر المعاد وغير ذلك من أمور الغيب. فالآن أنت فهمت ما هي العقيدة. العقيدة أصلها ستة أمور: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، ثم الإيمان بأمور الغيب: الجنة، النار، الصراط على النار، وما يحصل يوم القيامة، وكل ما لا تراه. هذه هي العقيدة. Donc après cela, on vient de savoir que la croyance est basée sur six piliers, qui sont les six piliers de la foi. Et découle de la croyance de ces six piliers la croyance sur toutes les choses qui sont invisibles, comme le paradis, comme l'enfer, comme les scènes qui vont avoir lieu le jour du jour du jugement dernier, comme le pont qui sera posé par-dessus l'enfer. Tout cela, tu dois y croire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam y a cru. Et tu ne dois pas changer cette croyance ou croire à ces choses-là d'une autre façon que la croyance du prophète صلى الله عليه وسلم. أولا الإيمان بالله. من الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه، لكونه خالق العباد والمحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم والقادر على إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم. ولهذا أو لهذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بها كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس لماذا إلا ليعبدون. فخلقنا الله عز وجل لأمر عظيم وهي العبادة. الله سبحانه وتعالى خلق الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم كلهم جميعا من أجل عمل واحد، ما هو؟ عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال تعالى: هل الله عز وجل يحتاج إلينا؟ الجواب لا. قال عز وجل: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ما أحتاج إليهم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى. Il nous dit que parmi la croyance en Allah, ou fait partie du premier pilier de la foi, la croyance qu'Allah subhanahu wa ta'ala est la divinité réelle qui est le seul à mériter l'adoration, et que toute adoration d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est nulle. فالله هو الذي يستحق العبادة. لماذا؟ لأن الله هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا وهو الذي دبر أمورنا، فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن لا نعبد إلا الله. قال تعالى: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه. وقال عز وجل: خالق كل شيء فاعبده. لماذا نعبده؟ لأنه خلقنا سبحانه وتعالى. الله هو الخالق، il est le créateur, il est celui qui a été bienfaisant envers nous. Il est celui qui nous a géré notre vie et qui nous a donné tout ce dont on a besoin. Subhanahu wa ta'ala. Allah a dit dans plusieurs versets ou dans un verset: il est le créateur de toutes choses, adorez-le donc. Et dans beaucoup de versets, Allah nous montre que c'est lui qui mérite l'adoration. Si c'est le seul qui nous a donné la subsistance, s'il est le seul à nous guider ou à nous faciliter ce qu'on l'on fait ou à nous donner tout ce dont on a besoin, il est le seul à mériter l'adoration subhanahu wa ta'ala. Wa ibadatullahi azza wa jal haqqullahi ala al-ibadi jami'an kama fi al-hadith al-sahih anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana ala himar wa ardafa khalfahu mu'adhan ibn Jabal radiyallahu anhu faqala ya mu'ad atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah faqala Allah wa rasuluhu a'lam. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. الحديث الصحيح. Dans un hadith que nous venons de citer, on voit que le droit qu'Allah a sur ses serviteurs, c'est que les serviteurs doivent l'adorer seul, sans associer. Et le prophète a dit à Mu'adh radiallahu anhu, ô Mu'adh, connais-tu le droit qu'Allah a sur ses serviteurs et le droit que les serviteurs ont sur Allah? Et Mu'adh a dit, Allah et son messager savent mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, le droit qu'Allah a sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore seul, sans associer. Et le droit que les serviteurs ont sur Allah, c'est qu'Allah ne les châtiera pas s'ils ne lui font pas d'association. Taïb. وقال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لماذا نعبده وما الدليل على أنه يجب علينا ألا نعبد إلا الله؟ قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله عز وجل أمرنا بعبادته ثم ذكر لنا الدليل الذي يدل على أنه يجب علينا أن نعبده وحده لا شريك له الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم قال تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخر الآية. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا. النديد هو النظير أمثال. لا تجعلوا لله أمثالا في العبادة وأنتم تعلمون أنه خلقكم وحده سبحانه وتعالى. Allah nous dit dans cet autre verset, ô vous qui avez cru, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. Il est celui qui a fait de la terre pour vous un lit. Il a aplati la terre pour qu'on marche dessus. Et il a fait du ciel une construction élevée. Et il a fait tomber du ciel de la pluie, de l'eau. À partir de laquelle il a fait pousser des fruits, des sortes de fruits. Et cela est votre subsistance. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. N'attribuez donc pas à Allah des égaux alors que vous savez. Ne donnez pas à Allah des égaux dans l'adoration alors que vous savez qu'il est le seul à avoir fait ces choses. وَقَدْ أَرْسَلَ اللَّهُ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ لِبَيَانِ هَذَا الْحَقِّ وَالدَّعْوَةِ إِلَيْهِ وَالتَّحْذِيرِ مِمَّا يُضَادُّ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Ensuite le Cheikh rahimahullah nous dit Allah a envoyé tous les prophètes et il a révélé tous les livres pour nous montrer le droit qu'il a sur nous, le droit de l'adorer seul sans associer, et pour mettre en garde contre tout ce qui s'oppose à ce droit. Allah a dit à ce sujet, et nous avons envoyé à chaque nation, à chaque peuple, un prophète, un messager, pour leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarot. Wa tarot ou bima'nahu al-mujmal wa kullu ma yu'badu min dunillah. Li'annahu min al-tughyan. Min al-tughyan. Wa lidhalika summiya tarot. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il a envoyé tous les prophètes. Pour quelle raison? Pour dire à leur peuple, adorez Allah et écartez-vous du tarot. Et le tarot, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et ça vient du mot tourian qui veut dire transgression. Et ça a été appelé tarot parce que adorer autre qu'Allah, c'est une transgression. Et Allah a dit dans l'autre verset, en parlant à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous n'avons pas envoyé avant toi un messager sans lui révéler qu'il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration sauf moi, c'est-à-dire sauf Allah subhanahu wa ta'ala, adorez-moi donc. وقال عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. لماذا فصل الله القرآن وأنزل القرآن؟ قال ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. الله dit dans ce verset, en parlant du Coran, c'est un livre dont les versets ont été clairement exposés et clairement détaillés. Et ce livre provient d'un sage, bien informé de toutes choses. Pourquoi Allah nous a révélé ce livre? Afin que vous n'adoriez que lui. N'adorez donc personne à part lui. Je suis certes pour vous un avertisseur du châtiment si vous associez, si vous désobéissez, et un annonciateur de la bonne nouvelle si vous obéissez. هي إفراد الله سبحانه بجميع ما تعبد العباد به من دعاء وخوف ورجاء وصلاة وصوم وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادة على وجه الخضوع له والرغبة والرهبة مع كمال الحب له سبحانه والذل لعظمته. وغالب القرآن الكريم نزل في هذا الأصل العظيم كقوله سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص وقوله سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وقوله عز وجل فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Il nous dit que la réalité de cette adoration pour laquelle Allah nous a créé, c'est le fait que on ne doit vouer et donner l'adoration qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il nous donne des sortes, anwa' al-ibadat. Et il nous dit, al-du'a, l'invocation. Al-khawf, fal-muslim, la yajuz lahu an yad'ua ghayr Allah. Il n'a pas le droit, le musulman n'a pas le droit d'invoquer autre qu'Allah. De demander une chose à autre qu'Allah, que seul Allah est capable de donner. Fa'idha fa'ala dhalika waqa'a fi mada? Waqa'a fi shirki billah. Wal-iyadu billah. والخوف إلى بار فالمسلم يجب أن يكون خوفه الأعظم لله عز وجل لا يخاف إلى الله قال تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم ماذا إن كنتم مؤمنين فالخوف من الإيمان بالله عز وجل. La deuxième chose, c'est la peur. Et la peur fait partie de la foi, la peur d'Allah. Et le fait de craindre Allah plus que tout, et de ne pas craindre autre qu'Allah comme on doit craindre Allah ou plus. Parce que celui qui fait ça, alaykoum salam, aura fait de l'association. Et Allah a dit dans le Coran, ne les craignez donc pas, mais craignez-moi si vraiment vous êtes croyant. Donc on voit que cela fait partie de la croyance de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Wa raja an tarjua rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'espérer la miséricorde d'Allah, comme a dit Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafurur rahim. Allah a dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés, et c'est lui le pardonneur et le miséricordieux. Wa salatin wal-amru bis-salati kathir fi al-Qur'an. Et la prière. فلا تصلي إلا لله قال تعالى وصل فصلي لربك وانحر فلا تصلي إلا لله سبحانه وتعالى. Ne prie que pour Allah. Allah dit dans le Coran à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et prie pour ton Seigneur et sacrifie pour lui. وصوم الصيام الأمر بالصيام في القرآن معروف, le fait de jeûner. Et le verset où Allah nous parle du siyam est connu. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. On vous a ordonné de pratiquer le jeûne comme on a ordonné aux gens qui vous ont précédé, ainsi atteindriez-vous la piété. Wa dhabh la yakun illa lillah azza wa jalla. Kama qala ta'ala fa salli li rabbika وانحر والنحر هو الذبح وهذا في سورة الكوثر. أما عند في صحيح مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله والعياذ بالله. Donc le fait de sacrifier, on ne doit sacrifier que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a dit dans le verset à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et prie pour ton Seigneur et pour lui sacrifie. Et dans le hadith authentique, le prophète a dit qu'Allah maudisse celui qui sacrifie ou qui égorge pour autre qu'Allah. Wa nadhri wa nadhr kama qala ta'ala yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. فَالنَّذْرُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Le vœu, le fait de se rendre une chose obligatoire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالنَّذْرُ هُوَ أَنْ يَقُولَ الْإِنسَانُ مَثَلًا يَقُولُ لِلَّهِ عَلَيَّ أُجِبُ وَأُلْزِمُ عَلَى نَفْسِي أَنْ أَصُومَ يَوْمَ الْخَمِيسِ الْمُقْبِلِ لِلَّهِ. فَإِذَا قَالَ هَذَا الْكَلَامُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ الْخَمِيسِ. كيف يسمى هذا النظر؟ والنظر عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى. Le vœu, c'est le fait de se rendre une chose obligatoire pour se rapprocher d'Allah. Comme celui qui dirait, pour Allah, je vais me rendre obligatoire de jeûner le jeudi qui arrive dans la semaine. Celui qui dit cette phrase, il lui sera obligatoire de jeûner le jeudi. Cette chose-là, ça s'appelle le vœu. Et le vœu, il ne doit le faire que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et autre parmi les actes d'adoration qu'Allah a cités dans le Coran, il nous dit que on doit faire ces adorations à la wajh al-khudu'. L'insan yatadhallalu lillah azza wa jal. حينما تصلي تتذلل لله, حينما تصوم تتذلل لله, تتواضع لله وتخفض أو تخضع لله وتخشع لله سبحانه وتعالى. Le fait de se rabaisser pour Allah, de s'humilier pour Allah lorsque tu l'adores subhanahu wa ta'ala. Et tu dois faire cela avec rahba wa rahba. Al-rahba hiya bima'na al-raja wa rahba bima'na al-khawf. Fal-muslim alladhi ya'budu Allah la budda an yakhaf Allah wa la budda an yarjuha rahmat Allah. Fa anta tusalli takhaf an la yaqbalahu Allah wa tarju an yaqbalahu Allah. Tout ce que tu fais dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois espérer d'Allah qu'il te l'accepte. Et tu dois avoir peur qu'Allah ne te l'accepte pas subhanahu wa ta'ala. Et les versets dans le Coran sont très nombreux. Les versets qui sont dans ce sens. Allah a dit dans trois versets qu'ici le Cheikh a cité rahimahullah. Allah nous dit, adore donc Allah sincèrement, lui vaut le culte exclusif. La religion sincère et pure n'appartient-elle pas à Allah? Et également Allah a dit, et ton Seigneur a décrété, n'adorez que lui. وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ. Et aussi Allah a dit, فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. Et adorez Allah, adorez donc Allah, sincèrement lui vaut le culte exclusif, même si les mécréants ont de l'aversion. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. Ensuite il nous rapporte le hadith que nous avons cité dans lequel le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, le droit qu'Allah a sur ses serviteurs est qu'il l'adore seul sans lui associer. ومن الإيمان بالله أيضا الإيمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان الإسلام الخمسة الظاهرة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا وغير ذلك من الفرائض التي جاء بها الشرع المطهر. فالعمل بالأركان الخمسة هو من الإيمان بالله. Il nous dit que fait partie de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala la croyance en l'obligation de tout ce qu'Allah a légiféré à ses serviteurs, comme les cinq piliers de l'islam qui sont l'attestation de foi, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de l'aumône, le jeûne de Ramadan, le pèlerinage pour celui qui en a la capacité, et toutes les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et a rendu obligatoire à ses serviteurs dans sa religion. وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي إخلاص العبادة لله وحده ونفيها عما سواه وهذا هو معنى لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود بحق إلا الله فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل والمعبود بالحق هو الله وحده كما قال سبحانه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. Ensuite il nous dit, le plus grand des cinq piliers de l'islam et le plus important, c'est l'attestation de foi et le fait de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. A'azam arkan al-islam. C'est le plus grand, jazakallah khairan, le plus grand des piliers de la foi. Et ce pilier, lorsque tu dis cette parole, ça implique que tu sois sincère envers Allah, subhanahu wa ta'ala. Et que tu comprennes le sens de cette phrase. فكثير من المسلمين إذا سألته ما معنى لا إله إلا الله يقول لك أي لا خالق إلا الله وهذا خطأ. لا خالق إلا الله صحيح لكن ليس المقصود بكلمة لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله لا يستحق العبادة ولا يجوز عبادة غير الله سبحانه وتعالى. Le sens de cette parole, la ilaha illallah, ce n'est pas le sens que beaucoup pensent être. Et beaucoup parmi les musulmans ignorent le sens de la ilaha illallah. Et ils pensent que cette parole veut dire il n'y a pas de créateur sauf Allah. Cette chose est vraie, mais ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Le sens de la ilaha illallah, c'est que personne d'autre qu'Allah n'a le droit à l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité sauf Allah. Et Allah a dit dans le verset, il en est ainsi, car Allah est la vérité. Et que ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah est nul, est faux. فَكُلُّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الثَّقَلَيْنِ لِهَذَا الْأَصْلِ الْأَصِيلِ وَأَمَرَهُمْ بِهِ وَأَرْسَلَ بِهِ رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ بِهِ كُتُبَهُ فتأمل ذلك جيدا وتدبره كثيرا ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم بهذا الأصل الأصيل حتى عبدوا مع الله غيره وصرفوا خالص حقه لسواه فالله المستعان. Ensuite il nous dit, et avec ceux qui vient d'être cité, tu viens de voir et de comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes que pour cette unique base essentielle, fondamentale, qui est l'adoration d'Allah, seul, sans associé. Et que cette base est la raison pour laquelle Allah a envoyé tous ses messagers et a révélé tous ses livres. Il te dit, médite cette chose-là de la meilleure façon. Tu verras clairement, après avoir compris ça, que beaucoup ou que la plupart des musulmans sont dans l'ignorance de cette grande base fondamentale pour laquelle Allah les a créés, et par conséquent ils ont adoré autre qu'Allah et ils ont donné l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah est celui dont on demande le secours. ومن الإيمان بالله سبحانه الإيمان بأنه خالق العالم ومدبر شؤونهم والمتصرف فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا لا خالق غيره ولا رب سواه وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوتهم إلى ما فيه نجاتهم وصلاحهم في العاجل والآجل وأنه سبحانه لا شريك له في جميع ذلك كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا فالله عز وجل يجعل الليل يأتي مباشرة بعد النهار والنهار مباشرة بعد الليل يطلبه حثيثا إذا ذهب الليل جاء النهار مباشرة وإذا ذهب النهار رجع الليل وهكذا يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Il nous dit, il fait partie également de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala de croire qu'il est celui qui a créé l'alam. Allah azza wa jalla huwa alladhi khalaqa al'alam. Fama ma'na al'alam? Ahlu al-'ilm yaqulun al'alam huwa kullu ma siwa Allah. Fataqul 'alam al-hayawanat, 'alam al-bahr, 'alam al-jinn, 'alam al-ins, 'alam al-mala'ika, 'alam an-nujum wa hakadha. ولماذا سمي عالم؟ لأنه علامة تدل على أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. Il nous dit, la croyance au fait qu'Allah a créé les mondes ومدبر شؤونهم يدبر الأمور كما قال في سورة الرحمن تبارك وتعالى كل يوم هو في شأن كل يوم يأمر الله وينهى الله ويقدر وَيَفْعَلُ مَا يُرِيدُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et il est celui qui organise les affaires du monde entier. Comme Allah dit dans Sourate Ar-Rahman, chaque jour Allah s'occupe d'une chose. Chaque jour Allah décrète ce qui va se passer. وَالْمُتَصَرِّفُ فِيهِمْ بِعِلْمِهِ. Et il est celui qui fait ce qu'il veut sur ses serviteurs avec science. وَقُدْرَتِهِ كَمَا يَشَاءُ سُبْحَانَهُ. فَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قادر. Allah Azza wa Jalla a la capacité de tout sur toute chose. وَأَنَّهُ مَالِكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. فَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الْمَالِكُ وَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُ الدُّنْيَا وَهُوَ الَّذِي يَمْلِكُ الْآخِرَةِ سبحانه وتعالى. قال عز وجل مالك يوم الدين. والله عز وجل مالك كل شيء. فلماذا قال هنا مالك يوم الدين؟ لأن في الدنيا تجد ملوكا لهم ملك لهم ملك ناقص ويوم القيامة سيظهر أن المالك الحق هو الله عز وجل سبحانه وتعالى. Et qu'Allah عز وجل est celui qui possède ce bas monde et l'au-delà. Et parmi les noms d'Allah, Al-Malik, qui est le possesseur, celui qui possède et à qui appartient toute chose. Et il nous dit qu'Allah Azza wa Jal est le possesseur de cette dunya et il est le possesseur de l'akhira. Et Allah nous dit dans Surah Al-Fatiha, Malik Yawm al-Din. Ils ont traduit par cette parole, maître du jour de la rétribution. En fait, c'est le possesseur, celui qui possède le jour de la rétribution et tout ce qui aura lieu le jour de la rétribution. Parce que ce jour-là, tous les rois et les possesseurs verront qu'en fait, le vrai et unique qui possède toutes choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabbul alamin jami'an. Et Allah est le Seigneur de tout l'univers. La khaliqa ghayra. La khaliqa al-khalqa illa Allah. Personne d'autre qu'Allah n'a créé subhanahu wa ta'ala. Wa la rabba siwa. Il n'y a pas de Seigneur autre que lui. Et il a révélé, il a envoyé ses messagers et révélé ses livres. Limadha arsala Allah rusul wa anzala al-kutub. لمصلحة الإنسان. الله عز وجل لا يأمرك إلا بشيء فيه مصلحتك ولا ينهاك إلا عن شيء فيه مضرتك. Et il nous montre qu'Allah عز وجل nous a ordonné de faire des choses pour notre bien et nous a interdit des choses pour nous éviter le mal سبحانه وتعالى. Il nous a appelé à tout ce dans quoi il y a le bien pour nous. Il nous a interdit de faire tout ce dans quoi il y a le mal pour nous. Allah a dit dans le verset, Allah est le créateur de toutes choses et il est le garant de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Ou également Allah dit, certes, votre Seigneur est Allah, celui qui a créé les cieux et la terre en six jours. Alladhi khalaqa as-samawati wal-ard fi sittati ayyam, thumma istawa 'ala al-'arsh, subhanahu wa ta'ala. Puis, après avoir créé les cieux et la terre, il s'est établi au-dessus de son trône. فَمِنْ عَقِيدَةِ الْمُسْلِمِ الْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ هُوَ الْعَلِيِّ وَهُوَ الْأَعْلَى وَهُوَ الْمُتَعَالِ. وَالْمُسْلِمُ فِي سُجُودِهِ يَقُولُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى. فما معنى الأعلى؟ أن الله أعلى من كل شيء سبحانه وتعالى. فالله عز وجل استوى على العرش هو فوق عرشه بذاته وعلمه معنا يعلم كل شيء وهو سبحانه وتعالى يراقبنا من فوق سبع سماوات. الله سبحانه وتعالى après avoir créé les cieux et la terre en six jours, il s'est établi au-dessus de son trône. Et parmi les noms d'Allah, il y a trois noms. Al-Ali, Al-A'la, Al-Muta'al. Et tous ces noms nous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa créature. Subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie de la croyance du musulman de croire qu'Allah est au-dessus de sa créature. Subhanahu wa ta'ala. يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارُ. Il fait que la nuit enveloppe le jour. وَهَذَا مِنْ أَكْبَرِ آيَاتِ اللَّهِ وَمَخْلُقَاتِ اللَّهِ اخْتِلَافِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. Et cela fait partie des plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'alternance du jour et de la nuit. فَمَنْ الَّذِي صَنَعَ ذَلِكَ وَمَنِ الَّذِي أَجْعَلَ اللَّيْلِ يَأْتِي لِيَغْشَ النَّهَارِ وَالنَّهَارِ يَأْتِي بَعْدَ اللَّيْلِ مَنْ هُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Qui est celui qui a fait l'alternance du jour et de la nuit, de la nuit et du jour? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. يَطْلُبُهُ حَثِيثًا. La nuit vient directement après le jour et le jour vient directement après la nuit. وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ. Et le soleil, la lune et les étoiles, مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِ, ont été assujettis par Allah. C'est Allah qui les a mis à la disposition de l'homme. وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلْ بَيَّنَ لَنَا مَنَافِعَ الشَّمْسِ مَنَافِعَ الْقَمَرِ مَنَافِعَ النُّجُومِ. Allah nous a montré dans le Coran les bienfaits et l'intérêt et notre besoin du soleil, de la lune et des étoiles. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. Et avec les étoiles, ils se guident. Et les gens qui voyageaient avant regardaient les étoiles. Ils n'avaient pas de boussole, ils n'avaient pas de carte. كَانُوا يَنْظُرُونَ إِلَى النُّجُومِ وَيُسَافِرُونَ. Et ils voyageaient en regardant les étoiles. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ بَعْدَنْ سَمِعْتَ هَذَا. Après que tu aies entendu ça, Allah dit, n'appartient pas à Allah, ou n'est-ce pas à Allah qu'appartient la création et l'ordre? الْجَوَابُ بَلَا. قَالَ تَعَالَى تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Que soit béni Allah, le Seigneur de l'univers. وَمِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ أَيْضًا الإيمان بأنه الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتابه العزيز والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يجب أن تمر كما جاءت بلا كيف مع الإيمان بما دلت عليه من المعاني العظيمة التي هي أوصاف الله عز وجل يجب وصفه بها على الوجه اللائق به من غير أن يشابه خلقه في شيء من صفاته كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير. فمن الإيمان بالله عز وجل أن تؤمن أن لله عز وجل أسماء وصفات. فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم المالك الرب الواحد الأحد الجبار القاهر القاهر القهار وهكذا. هذه أسماء الله عز وجل. والله عز وجل له صفات. يعلم كل شيء، يرى كل شيء، يسمع كل شيء. هذه من صفة الله سبحانه وتعالى. فيجب على المسلم أن يؤمن بهذه الصفات وأن لا يشبه الله عز وجل بشيء من مخلوقاته. لذلك قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو السميع البصير يسمع كل شيء ويرى كل شيء ولكن لا يشبهه شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. Parmi la croyance en Allah سبحانه وتعالى, le fait de croire au nom et aux attributs d'Allah سبحانه وتعالى. قال الواردة في كتابه العزيز. لماذا قال ذكر هذا القيد؟ Il nous dit de croire au nom et aux attributs qu'Allah a mentionné dans son livre. والثابتة عن رسوله الأمين. يريد أن يبين لنا أن المسلم ليس له أن يذكر اسما أو صفة من أسماء الله أو من صفات الله إلا إذا قرأه في القرآن أو في الأحاديث. لأن هذا من أمور الغيب. Donc il nous dit que nous devons prendre et croire aux noms et aux attributs d'Allah que nous avons lus dans le Coran et dans les hadiths. Pourquoi ? Parce qu'on parle d'une chose que l'on n'a pas vue. Et on ne peut pas donner des noms à Allah ou des attributs à Allah sans avoir lu d'abord ces noms dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le musulman doit croire au nom d'Allah, Al-Malik, Al-Wahid, Al-Ahad, Al-Samad, Al-Rahman, Al-Rahim, Al-Halim, Al-Azim, Al-Karim. Tout cela sont des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il doit croire que Allah est le seul à être parfait dans ses noms. Al-Kamilu fi asma'ihi wa sifatih. La naqsa fi asma'illah. Wa la naqsa fi sifatillah. Anta laka naqs. Ana liya naqs. Allah laysa lahu naqs. Subhanahu wa ta'ala. Fa anta kareem. Wa karamuka fihi naqs. Wallahu kareem. Wa karamuhu laysa fihi naqs. Falahu al-karamu al-mutlaq. Subhanahu wa ta'ala. Parmi les attributs d'Allah, la générosité. Et les serviteurs d'Allah aussi peuvent être généreux. Mais quelle est la croyance que doit avoir le musulman ? La générosité d'Allah est la vraie générosité parfaite, qui n'a aucun manquement. Et la générosité des autres a des limites et a des manquements. Et c'est ça que l'on appelle la croyance aux noms et aux attributs d'Allah. Croire qu'Allah est le seul à être parfait dans ses noms et dans ses attributs. Parmi les attributs d'Allah, Allah voit tout, il entend tout et il sait tout. Subhanahu wa ta'ala. Il est le seul à tout voir, il est le seul à tout entendre, il est le seul à tout connaître. Notre science a des manquements, notre vue a des manquements, notre entente a des manquements. Mais est-ce que Allah Azza wa Jalla a des manquements dans cela ? La réponse est non. Et rien ne ressemble en Allah à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'Allah dit dans le verset : rien ne lui est semblable et il est celui qui entend tout et qui voit tout, l'audient, l'omniscient. Donc Allah nous montre qu'il voit et qu'il entend, mais qu'aucun ne voit et n'entend comme lui, il voit et il entend. Subhanahu wa ta'ala. Wa qala azza wa jal, fala tadribu lillahi l'amthal, inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun. N'attribuez donc pas à Allah des égaux dans ses noms, dans ses attributs. Certes Allah sait, wa antum la ta'lamun. Allah sait et vous ne savez pas. Subhanahu wa ta'ala. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين له بإحسان وهي التي نقلها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه المقالات عن أصحاب الحديث وأهل السنة ونقلها غيره من أهل العلم والإيمان. Il nous dit cette croyance est donc la croyance des gens de la Sunna et du consensus. أهل السنة والجماعة. لماذا أهل السنة والجماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي في حديث. وفي الحديث الثاني قال هي الجماعة في الذين ينجون من النار يوم القيامة. من هم يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. فنحن نتكلم بعلم وبالقرآن والسنة. فأهل السنة والجماعة هم الذين يتبعون أصحاب رسول الله sallallahu alayhi wa sallam. Et cela est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Nous disons la sunna et le consensus, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'être dans sa sunna et d'être avec le consensus, qui sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui les ont suivis. Et cette croyance nous a été rapportée par les savants de l'islam, et parmi eux un grand savant de la sunna que l'on appelle Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullah, dans un livre qu'il a intitulé les paroles des savants du hadith et des gens de la sunna. Donc Abu al-Hasan al-Ash'ari rajulun ala sunna. قال الأوزاعي رحمه الله سئل الزهري ومكحول وهما من علماء الإسلام عن آيات الصفات فقال أمروها كما جاءت أي صدقوها. الله يعلم كل شيء صدقوا هذا يعلم كل شيء صدقوا هذا كما جاءت في القرآن. Un des grands savants dit que les deux imams qui sont Az-Zuhri et Makhoul ont été interrogés sur les attributs d'Allah. Comment doit être notre croyance dans les attributs d'Allah? Il a répondu, croyez-y comme ils sont venus. Si Allah vous informe qu'il connaît tout, croyez qu'Allah connaît tout. Si Allah vous informe qu'il voit tout, croyez qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit tout. Sans changer le sens de cette ou de ces paroles. وقال الوليد بن مسلم رحمه الله سئل مالك الإمام مالك والأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات فقالوا جميعا أمروها كما جاءت بلا كيف أي لا تسألوا كيف كيف كيف قالوا نحن مؤمنون والمؤمن يصدق أخبار الله عز وجل. Il nous dit que les savants de l'islam comme الأوزاعي الإمام مالك Sufyan al-Thawri et Sa'ad ont été interrogés sur les attributs d'Allah. Comment on doit croire aux attributs d'Allah? Il a répondu, nous devons y croire comme Allah Azza wa Jal nous a donné la formation. Ja'a rajulun ila al-Imam Malik rahimahullah ta'ala fa qala lahu ya Malik ar-Rahman 'ala al-'arsh istawa fa kayfa istawa fa ghadiba al-Imam Malik wa ihmarra wajhuhu wa 'araqa jabinuhu wa ghadiba wa qala الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا صاحب بدعة أخرجوه من بيته. Un homme est venu voir l'imam Malik rahimahullah et lui a dit, ô Malik, Allah a dit dans le Coran, le tout miséricordieux s'est établi au-dessus de son trône. Comment il s'est établi? L'imam Malik est devenu tout rouge, il a transpiré par la colère et il a dit, nous savons ce que veut dire s'établir et nous ne savons pas comment Allah Azza wa Jalla l'a fait. Et celui qui demande comment, dans les noms d'Allah, dans les attributs d'Allah, a fait une innovation. Faites sortir cet homme de chez moi car c'est un innovateur. Fal muslim yusaddiq wa la yaqul kayf. Yaqul Allah kamil. Yaqul usaddiqullah, uminu billah. وأنا لا أسأل لأن الله عز وجل قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فأنت لا تسأل الله الله يسألك. Donc Allah عز وجل nous dit que l'on doit croire à ces informations et on ne doit pas interroger sur Allah comme beaucoup de musulmans le font. Allah dit dans le verset, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait et eux seront interrogés. Nous n'avons pas le droit d'interroger Allah et Allah lui va nous interroger. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك لن يبرح الناس أي لن يزال الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله والعياذ بالله. C'est pour ça que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit les gens ne vont pas s'arrêter de se poser des questions كيف كيف كيف كيف jusqu'à ce qu'ils vont arriver à dire voici donc Allah le créateur de toutes choses. Mais qui a créé Allah? Wal'iyadu billah. Allah huwa al-khaliq. Wa qala al-Awza'i rahimahullah kunna wattabi'una mutawafiruna naqul inna Allah subhanahu 'ala 'arshi wa nu'minu bima warada fi as-sunnati min as-sifat. Et l'imam al-Awza'i rahimahullah a dit, nous et les tabi'un, tous ensemble, ceux qui suivaient les compagnons et qui ont vécu avec eux, nous disions tous, certes, Allah est au-dessus de son trône, et nous croyons à tous les attributs qui sont venus dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَلَمَّا سُئِلَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ شَيْخُ مَالِكِ رحمه الله عليهما عن الاستواء قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق. Un homme est venu voir l'imam Malik rahimahullah et l'a interrogé sur comment Allah s'est établi. L'imam Malik a répondu la même chose que nous avons cité avant jusqu'à ce qu'il a dit le message nous vient, la révélation nous vient d'Allah et le prophète doit la transmettre et nous devons croire. Voilà ma su'ila al-ma'a. وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله dit, nous savons que notre Seigneur est en haut des sept cieux, en haut de sa il est en haut de son trône, subhanahu wa ta'ala, il est en haut de ses créatures. وكلام الأئمة في هذا الباب كثير جدا لا يمكن نقله في هذه العجالة. Et les paroles des savants dans ce domaine sont très nombreuses, il ne nous est pas possible dans ce petit épître de tous les citer. ومن أراد الوقوف على كثير من ذلك فليراجع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد وكتاب التوحيد للإمام الجليل محمد بن خزيمة وكتاب السنة لأبي القاسم اللالكائي الطبري وكتاب السنة لأبي بكر ابن أبي عاصم وجواب شيخ الإسلام بن تيمية لأهل حماة وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أهل السنة ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل السنة وبطلان ما قاله خصومهم. Ensuite, le Cheikh رحمه الله nous a cité un certain nombre de livres dans lesquels nous pouvons nous étaler dans l'étude de cette croyance que nous sommes en train d'étudier. وهكذا رسالته الموسومة بالتدمورية فقد بسط المقام وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المخالفين بما يظهر الحق ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم بقصد صالح ورغبة في معرفة الحق. Il nous dit également parmi les livres dans lesquels nous pouvons étudier cette croyance, un livre qui a été écrit par l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est Al-Tadmuriyya, dans lequel il a mis en évidence la croyance des gens de la sunna. Wa kullu man khalafa ahla sunnati fi ma i'taqadu fi bab al-asma' wa al-sifat fa innahu yaqa'u wa la budda fi mukhalafati al-adillati al-naqliyya aw al-'aqliyya ma'a al-tanaqud al-wadih fi kulli ma yuthbituhu wa yanfihi. Il nous dit, alaykoum salam, il nous dit que tous ceux qui sont en contradiction avec la croyance des gens de la sunna concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala va absolument tomber en contradiction avec les preuves du Coran et de la sunna. Il va également tomber en contradiction avec les aql sahih, avec la vraie raison. Et il va se contredire dans tout ce qu'il va dire. فالذي لا يتبع السنة في العقيدة لا يؤمن كما آمن الرسول وكما آمن الصحابة رضي الله عنهم ستكون عقيدته غير سليمة. الله عز وجل يقول إلا من أتى الله بقلب سليم وهذا لا يأتي بقلب سليم يوم القيامة إلا إذا كانت عقيدته كعقيدة رسول الله وكعقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. أيها الصحابة, إذا آمن الناس بمثل ما أنتم مؤمنون به فقد اهتدوا. معنى ذلك أن الناس إذا لم يؤمنوا أو إذا لم يعتقدوا عقيدة الصحابة لم يهتدوا. Donc il nous dit que nous devons avoir la même croyance que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, et s'ils croient en la même chose en laquelle vous croyez, alors ils seront guidés. Il parle des gens, s'ils ont la même croyance que la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils seront guidés. Ce qui veut dire que s'ils ont une croyance différente de celle des compagnons, ils seront égarés du droit chemin. أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكريم أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة إثباتا بلا تمثيل ونزهوه سبحانه عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل ففازوا بالسلامة من التناقض وعملوا بالأدلة كلها وهذه سنة الله سبحانه في من تمسك بالحق الذي بعث به رسله وبذل وسعه في ذلك وأخلص لله في طلبه أن يوفقه للحق ويظهر حجته كما قال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وقال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Il nous dit que la croyance des gens de la sunna et du consensus ou du groupe consiste à affirmer concernant Allah subhanahu wa ta'ala ce que lui-même a affirmé pour lui. Fal muslim yuthbitu ma athbat Allah li nafsi. Falamma qala Allah azza wa jal wa huwa ala kulli shay'in qadir. Al muslim yuthbitu anna Allah ala kulli shay'in qadir. Limadha? Lianna Allah athbat dhalik. Fa'idha athbat Allah fihi aw shay'an al muslim yuthbituhu. وإذا نفى الله شيئا فالمسلم ينفيه فلما قال الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم والسنة هي مقدمة النوم النعاس السنة هذه والنوم معروف فالله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم فأنت تقول لا تأخذه سنة ولا نوم لماذا؟ تقول لأن الله قال هذا وأنا إذا تكلمت عن الله لا أتكلم إلا بدليل من القرآن أو السنة. Donc, il nous dit que le musulman doit affirmer ce qu'Allah a affirmé pour lui-même et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé sur Allah. Lorsque tu dis qu'Allah est capable de tout, tu affirmes cette chose parce que tu as lu qu'Allah lui-même a affirmé qu'il est capable de tout. Lorsque tu nies une chose sur Allah, tu ne peux nier une chose sur Allah que si tu as une preuve. Lorsqu'Allah a dit dans le Coran « Ni la somnolence, ni le sommeil ne l'atteignent », Allah n'est pas touché par la somnolence et non plus par le sommeil. Tu as cette croyance et tu nies le fait que puisse le toucher la somnolence ou le sommeil. Pourquoi ? Parce qu'Allah lui-même a nié cette chose pour lui. Et c'est cela la croyance correcte du musulman. Et le musulman, lorsqu'il croit à ses attributs, lorsqu'il parle d'Allah, la yumathil, il ne n'illustre pas, il ne dit pas Allah est comme ça, ou Allah est comme ceci, ou comme cela. Il ne parle pas de l'invisible sans preuve. Fala yaqul al-muslim, mathalan, ilmu Allah, mithlu ilmi kada wa kada. Sam'u Allah, mithlu sam'i kada wa kada. La yaqulu hada. Yaqul sam'u Allah kamil la naqsafi. Ilmu Allah kamil la naqsafi. Wa la yumathil. لا يمثل بل ينزه الله ويقدس الله سبحانه وتعالى. Donc le musulman doit affirmer ce qu'Allah a lui-même affirmé lui concernant, tout en prenant soin à ne pas faire ressembler la créature à Allah, à ne pas dire Allah sait comme tel sait ou Allah voit comme telle créature voit. Non, il doit affirmer pour Allah ce qu'il a lui-même, subhanahu wa ta'ala, affirmé. Et c'est donc cette croyance-là dont nous parlons, c'est la coutume d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour celui qui s'y accroche, il sera dans la vérité avec laquelle ont été envoyés les prophètes. Et celui qui, le musulman, se doit de fournir des efforts à la recherche de cette vérité. Et d'être sincère envers Allah lorsqu'il recherche cette vérité. Et il doit demander à Allah de l'aider à trouver cette vérité et de lui donner l'argument dont il a besoin pour sa religion. Allah a dit dans un verset dont le sens de manière globale est que Allah expose la vérité avec laquelle il anéantit tout ce qui est faux et voici qu'il disparaît. Et dans l'autre verset, Allah nous dit ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Et ce verset, donc dans ce verset, Allah Azza wa Jal, je préfère ne pas le traduire de peur de mal le traduire. S'il y a un Coran en français, je peux me le ramener, inshallah. Donc l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit dans son tafsir, et nous allons bientôt terminer, dans quelques minutes, nous sommes à la fin, inshallah. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit dans son tafsir de la parole d'Allah Azza wa Jal, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش لما ابن كثير رحمه الله dit dans cette parole dans laquelle Allah Azza wa Jal dit certes votre Seigneur est Allah celui qui a créé les cieux et la terre en six jours puis qui s'est établi sur son trône au-dessus de son trône il dit كلام ذكر كلاما حسنا في هذا الباب يحسن نقله هاهنا لعظم فائدته. Il a mentionné une très importante parole et il est bon de la mentionner. قال ابن كثير رحمه الله للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالكا والأوزاعي والثوري والليث ابن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق ابن راهويه وغيره من أئمة المسلمين قديما وحديثا وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم ابن حماد الخزعي شيخ البخاري قال من شبه الله بخلقه كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. Donc l'imam Malik rahimahullah nous dit dans ce verset, dans l'explication de ce verset, que les gens ont beaucoup de paroles. L'imam Ibn Kathir, jazakallah khairan. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit que dans l'interprétation des versets où Allah nous parle qu'il s'est établi au-dessus de son trône, les gens ont beaucoup de paroles différentes. Et il n'est pas question ici de toutes les étaler. Il nous dit, mais nous suivons la voie des pieux prédécesseurs, qui sont l'imam, par exemple, l'imam Malik, l'imam al-Awza'i, l'imam Sufyan al-Thawri, Layth ibn Sa'd, l'imam al-Shafi'i, l'imam Ahmed, Ishaq ibn Rahawai, et beaucoup d'autres. Parmi les savants de la sunna contemporains et également les savants anciens. Cette croyance qu'avaient ces savants consiste à croire aux informations données par Allah subhanahu wa ta'ala lui concernant sans tomber dans une de ces choses qu'il va citer, la première, sans demander comment Allah voit, comment Allah entend. Cela est un péché qui n'est pas permis de faire, sans faire ressembler Allah à sa créature et sans non plus nier ou renier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceux qui prennent ou qui cherchent à faire ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala à sa créature, l'imagination qui leur vient en tête est fausse et rien ne ressemble à Allah. Rien n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est celui qui entend tout et qui voit tout. Mais comme a dit le shaykh de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, qui est Nu'aym ibn Hamad al-Khuza'i, il a dit, celui qui fait ressembler Allah à sa créature a mécru. Et celui qui ne croit pas en ce par quoi Allah s'est décrit a mécru également. Et il n'y a pas dans le fait de croire ou de décrire Allah parce que lui-même s'est décrit, il n'y a pas de cela, dans cela, de ressemblance. فَأَنْتَ تُؤْمِنُ أَنَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الْعِلْمِ فَأَنْتَ لَمَّا قُلْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ الْعِلْمِ هَلْ مَعْنَى هَذَا أَنَّكَ قُلْتَ أَنَّ عِلْمَ اللَّهِ كَعِلْمِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ الجواب لا. فَلَا يَسْتَلْزِمُ إِذَا أَثْبَتَ لله عز وجل العلم أن جعلته كعلم غير الله علم الله كامل مطلق لا نقص فيه وعلم الخلق ناقص. Donc nous devons croire aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous devons y croire subhanahu wa ta'ala, comme ils sont venus sans chercher à les faire ressembler aux attributs, pardon, de sa créature. Celui donc qui voudrait affirmer sur Allah subhanahu wa ta'ala une chose qui a été citée dans les versets clairs et dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a nié d'Allah subhanahu wa ta'ala tout manque et tout défaut, faqad salaka sabil al-huda, celui-là aura été dans le droit chemin. فالذي يؤمن بما وصف الله به نفسه هو على الهدى المستقيم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم جزاكم الله خيرا